بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع اليوم في باب جديد باب أفضل الصيام وغيره. On commence aujourd'hui donc dans ce cours numéro 16 un nouveau sous-chapitre. Le sous-chapitre concernant le meilleur du jeûne et autres. Et parfois dans certaines copies, le meilleur, les mérites du jeûne, fadlu siyam, les mérites du jeûne et autres. Wa fihi thamaniyatu ahadith. Et donc il y a dans ce sous-chapitre 8 hadiths. Il nous reste donc trois sous-chapitres à voir. Celui-ci et deux autres. Dans ce sous-chapitre, qu'il y a 8 hadiths, qu'on verra aujourd'hui et demain. Et ensuite, la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, les deux derniers cours pour finir le chapitre du jeûne, bi'idhnillah Ta'ala. Al-hadithu al-awwal. An Abdillah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, qu'il أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, qui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut informé que je disais par Allah, je vais jeûner la journée et je vais prier la nuit tant que je vivrai. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que c'est toi qui dis cela? J'ai répondu en disant, je l'ai dit. Et certes, je te prends en rançon, toi, pour ma mère et mon père, ô messager d'Allah. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, tu n'as pas la capacité de faire cela, donc de jeûner tous les jours. Alors, jeûne et romps. Donc tu jeûnes des jours, et d'autres jours tu ne jeûnes pas. Dors et prie. Et jeûne 3 jours durant chaque mois. Car certes, la récompense est multipliée par 10. Et ceci est comme le fait d'avoir jeûné tout le temps. Le fait de jeûner 3 jours dans le mois, la récompense est multipliée par 10. Et c'est comme le fait d'avoir jeûné tout le temps. Qultu inni utiku afdala min dhalik. Alors Abdullah ibn Amr, à ce moment-là, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, j'ai la capacité de faire mieux que ça. Fait qu'allah sallallahu alayhi wa sallam fait soum yaouman wa aftir yaoumain. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, et donc, jeûne un jour et ne jeûne pas durant 2 jours. Qultu inni utiku akthara min dhalik. J'ai dit, donc Abdullah ibn Amr qui dit, j'ai dit, je peux faire encore mieux que cela. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Amr, à Abdullah ibn Amr, alors jeûne un jour et ne jeûne pas un autre jour. Donc tu jeûnes un jour sur deux. Ceci est le jeûne de Daoud. Et il est le meilleur jeûne. C'est le meilleur jeûne. Qultu inni utiku afdala min dhalik. قال لا أفضل من ذلك وفي رواية لا صوم فوق صيام أخي داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. Alors là, donc Abdullah ibn Amr, il a encore dit, je peux faire mieux que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc répondu à Abdullah ibn Amr, il n'y a pas mieux que cela. Il n'y a pas mieux que cela. Et dans une autre narration, il n'y a pas de jeûne qui soit au-dessus du jeûne de mon frère Daoud alayhi salam, la moitié du temps. Donc la moitié du temps, jeûne un jour et ne jeûne pas un autre jour. هذا الحديث فيه أن الشرع يحث العباد على ما يطيقونه وما لا يطيقه المرء لا ينبغي له فعله فإن الجسد له عليه حق والأولاد لهم علينا حق والزوجات لهن علينا حق فينبغي أن نعطي لكل ذي حق حقه وقرن المرء يقوم بما لا يطيقه يجعله مقصرا في أمور أخرى تجب عليه. Et donc ce hadith, il y a dans ce hadith le fait que la législation, elle pousse les serviteurs à faire ce dont ils sont capables. Et ce dont l'individu n'est pas capable, alors il ne convient pas qu'il le fasse. Car certes, le corps a un droit sur nous. Les enfants ont un droit sur nous. Les épouses ont un droit sur nous. Alors il convient que nous donnions à chaque ayant droit son droit. Et le fait que l'individu s'occupe de ce dont il a la capacité d'accomplir, cela va le faire en sorte qu'il sera négligent. Il sera négligent dans les obligations qu'il doit accomplir. ثم ينبغي أن يعلم أن العلماء أجمعوا على تحريم صوم الدهر أي أن يصوم المرء السنة كلها مع الأيام المنهية عن صيامها كيوم العيد. Et ensuite, il est important de savoir que les ulama, les savants, sont unanimes concernant l'interdiction de jeûner tout le temps. C'est-à-dire le fait que l'individu va jeûner toute l'année, y compris les jours durant lesquels il est interdit de jeûner, comme par exemple les deux jours du Eid. Et ça, on le verra, inshallah ta'ala. Amma al-mar. الذي يصوم السنة كلها ولا يصوم الأيام التي نهين عن صيامها فهذا فيه خلاف طويل بين العلماء. En ce qui concerne l'individu qui va jeûner toute l'année, mais qui ne va pas jeûner les jours durant les jours où il nous a été interdit de jeûner, alors il y a concernant ce cas-là, une divergence, une longue divergence entre les ulémas, entre les gens de science. والذي أريد أن أنبه عليه إخوتي هو أنه لا ينبغي لنا أن نترك الأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ما هو الأفضل وبين لنا أنه لا أفضل من صيام داود. فَلَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتْرُكَ الْأَفْضَلِ. Et donc, ce vers quoi je voudrais attirer l'attention de mes frères, c'est que il n'est pas convenable que nous délaissions ce qui est mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué ce qui est le mieux concernant le jeûne. Il nous a expliqué qu'il n'y a pas de mieux, de meilleure chose que le jeûne de Daoud. Alors, il ne convient pas que nous délaissions ce qui est le meilleur pour jeûner tout le temps. Le prophète nous a dit que le jeûne de Daoud, c'est meilleur que jeûner tout le temps. pourquoi est-ce que tu vas délaisser le jeûne de Daoud pour jeûner tout le temps ?» Ba'dun nas la yafhamun an al-ibrata laysat bi kathrati al-a'mal. Wa hadha wadih fi hadha al-hadith an al-afdal la yakunu bi kathrati al-a'mal, lakin al-afdal bi muwafaqati as-sunnah. Certaines personnes ne comprennent pas que ce qui est pris en compte, que ce n'est pas la quantité des œuvres qui est prise en compte. Et ça, c'est clair dans ce hadith. Ce qui est meilleur, ce n'est pas la quantité des œuvres, mais ce qui est meilleur, c'est le fait que tes œuvres soient en accord avec la sunna. C'est ça qui est meilleur. Wa fi hadha al-hadith, an al-alim aw al-mudarris يرشد طلابه إلى ما هو أفضل لهم لا إلى ما يريدون وهذا مهم. Il y a aussi dans ce hadith le fait que le savant ou l'enseignant, il va montrer, orienter ses élèves vers ce qu'il y a de mieux pour eux, et il ne va pas les orienter vers ce que eux ils veulent. Et ça, c'est important. كثير من الناس يغضبون أو ينفرون لأننا لا نعطيهم ما يريدون. Beaucoup de personnes s'énervent ou alors s'éloignent parce que nous ne leur donnons pas ce qu'ils veulent. وفي الحقيقة ما كلفنا أن نعطيكم ما تريدون ولكن المطلوب منا أن نعطيكم ما تحتاجونه. Certes, nous ne sommes pas chargés de vous donner ce que vous voulez. Cependant, ce qui nous est demandé, c'est de vous donner ce dont vous avez besoin. Voilà ce qu'il nous est demandé. Wa fil hadith, fadlu siyami thalathati ayyamin min kulli shahr. Il y a dans le hadith le mérite quant au fait de jeûner 3 jours durant chaque mois. Il y a les mérites quant au fait de jeûner 3 jours durant chaque mois. Wa annahu mithlu siyami ad-dahri, et que cela représente le fait de jeûner tout le temps. C'est comme si c'est comme le fait de jeûner tout le temps. Wa hadha mimma yadullu ala rahmatillahi ala ibadihi, et cela fait partie des éléments qui montrent la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs. An-nasiyam 3 ayyam min kulli shahr ay 36 yawman fi as-sana wa huwa kasiyam ad-dahr wa hadha fadlun 'azim min Allah 'alayna la yanbaghi at-tafrit fi. Et donc le fait que 3 jours durant chaque mois, c'est-à-dire 36 jours dans l'année, soit équivalent au fait de jeûner tout le temps. Ça, c'est un grand bienfait d'Allah sur nous. Il n'est pas convenable que nous négligions cela. Wa fil hadithi sawmi Daoud wa annahu la afdala min man arada al afdal wa ataqahu fa hadha huwa al afdal. Et donc il y a aussi dans ce hadith le jeûne de Daoud, et qu'il n'y a pas de meilleur jeûne que celui de Daoud. Alors, celui qui veut appliquer ce qui est meilleur, alors, et qui a la capacité de le faire, voilà donc le meilleur jeûne. Al-Hadithu al-Thani. Le deuxième hadith dans ce sous-chapitre. Wa anhu. L'auteur, il nous dit selon lui. Selon lui, c'est-à-dire Abdullah ibn Amr. Le premier hadith qu'on a vu, c'était le hadith de Abdullah ibn Amr. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. Et donc il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le jeûne le plus aimé d'Allah est le jeûne de Daoud. Et la salat la plus aimée d'Allah, la prière la plus aimée d'Allah est la prière de Daoud. Car certes, celui-ci, il dormait la moitié de la nuit. Et il priait, et donc il priait durant le tiers de celui-ci, et il dormait le sixième, durant le tiers de celle-ci, le tiers de la nuit. Puis il dormait le sixième de celle-ci. Et certes, il jeûnait un jour et ne jeûnait pas un autre jour. Fil hadith, isbat sifatil mahabba lillah. Et donc il y a dans ce hadith l'affirmation de l'attribut d'amour pour Allah, le fait que Allah aime. Ahlu sunnati wal jama'a, ils affirment les noms et attributs d'Allah. Et donc nous affirmons que Allah aime. Comment? Nous ne savons pas. Et il ne nous est pas chargé de savoir comment. Mais nous savons que Allah aime. Et que l'amour d'Allah n'est pas comme l'amour de ses créatures. Et donc nous affirmons cet attribut d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa qad ra'ayna fil hadith as-sabiq أن أفضل الصيام هو صيام داود وهذا الحديث يؤكد ذلك. Nous avons vu lors du hadith précédent que le meilleur jeûne est celui de Daoud. Et ce même hadith et ce hadith ici va confirmer cela. وأفضل القيام أفضل الصلاة صلاة داود. Et la meilleure prière est la prière de Daoud. ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. Et donc Daoud, donc il dort la moitié de la nuit, il prie le tiers de la nuit et dort le sixième de la nuit. Idan el insan yuqassimu al-layl ila sitta. Et donc la personne, elle va diviser la nuit en six parties. La personne divise la nuit en six parties. Yanamu nusf ay thalathat asdas. La personne va dormir la moitié de la nuit. La moitié de la nuit, vu qu'on a divisé la nuit en six parties, ça représente 3/6. 3/6 de la nuit. Thumma yaqumu as-suluth min al-layl. Ensuite, la personne, elle va prier durant le tiers de la nuit. Et donc, le tiers de la nuit en sixième, ça nous fait 2/6. Et donc, la personne, elle a dormi 3/6. Ensuite, elle a prié 2/6. Ça fait 5. Il nous reste soudoussa. Il nous reste donc 1/6. La personne retourne dormir, donc 1/6 de la nuit. Hadha huwa qiyamu Daoud. Et donc ça, c'est la prière de Daoud. Wal hadith yu'akkidu ma dhakarna sabiqan anna al-ibrata bi muwafaqati as-sunnah la al-kathra. Et donc, et ce hadith, il confirme ce qu'on a vu précédemment. C'est que ce qui est pris en compte, c'est le fait que les œuvres sont en accord avec la sunna, mais que ce n'est pas le grand nombre des œuvres. Allah Ta'ala qui nous dit dans son livre « Hal ataka hadithul rashiya »« Wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya » T'est-il parvenu l'histoire, le récit de la fournaise? Des visages seront ce jour-là effrayés. Amilatun nasiba. Ils accomplissaient beaucoup d'œuvres. Et brûlent un feu ardent. Et donc, ce ne sont pas les. Ce n'est pas le grand nombre d'œuvres qui est pris en compte. Mais ce qui est pris en compte, c'est que tes œuvres soient en accord avec la sunna du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. El hadithu al-thalif. Le troisième hadith. An Abi Hurairata radiallahu anhu kal. Awsani khalili bi thalath. Siyamu thalathati ayyamin min kulli shahr. Wa raka'atayi al-duha. Wa an utira qabla an anam. Et donc selon Abi Hurairata radiallahu anhu, qui dit: mon plus aimé m'a recommandé trois choses. Le fait de jeûner 3 jours durant chaque mois. Et le fait d'accomplir les 2 unités de prière de Doha. Et le fait de faire le witr. Et donc une unité, le fait de faire le witr avant de dormir. هذا الحديث فيه فضل الصيام في ثلاثة أيام من كل شهر. فللإنسان أن يصوم في أيام البيض أو في أي يوم كما تيسر له. Et donc il y a dans ce hadith les mérites quant au fait de jeûner 3 jours durant chaque mois. Et donc l'individu, il peut jeûner durant les jours blancs. Les jours blancs, le 13, 14, 15 de chaque mois, en calendrier égyrien. Attention. Et donc 13, 14, 15 de chaque mois. Ou alors la personne peut jeûner les jours durant lesquels il lui est facile de jeûner. Pas forcément 13, 14, 15. 3 jours du mois. وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ صَلَاتِ الدُّحَى. Et il y a aussi dans ce hadith les mérites quant au fait de prier, d'accomplir la prière du Doha. Et donc environ un quart d'heure après le lever du soleil. Et donc, نعم وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح كل يوم على كل سلامة من ابن آدم صدقة. Et donc l'imam Ahmed a cité dans son recueil, selon Abi Dhar, ce hadith il est dans Sahih Muslim, mais cette narration là dans le recueil de l'imam Ahmed, selon Abi Dhar, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et donc chaque jour, à chaque fois que l'homme se trouve au matin, chaque jour, il a une aumône pour chaque articulation et chaque os qu'il a. Le fait que l'individu, à chaque fois qu'il se trouve, donc chaque jour, il a une aumône à donner pour chaque os, chaque articulation. Tu imagines le nombre d'articulations que tu as ? Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité plusieurs types de causes qui vont permettre de donner des aumônes. Comme par exemple, imatatul adha anit tariq, le fait de retirer ce qui dérange la route, sadaqa, c'est une aumône. Et taslimu ala nasi sadaqa, le fait de passer le salam aux gens, c'est une sadaqa, c'est une aumône. Il a cité l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est une aumône. Il a cité plusieurs éléments, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala wa yujzi'u min hadha kullihi rak'at ad-duha. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les deux unités de duha suffisent pour tout cela, toutes ces causes qui ont été citées pour faire des aumônes. Juste les deux unités de Doha suffisent. Allahu Akbar. Les bienfaits d'Allah Ta'ala sur nous. وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَا أَنَّ أَقَلَّهَا رَكَعْتَيْنِ وَأَكْثَرَهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ. Et certes, les savants, ils ont cité que le plus petit nombre, donc des rak'atayn, des unités de Doha, le plus petit nombre le plus petit nombre d'unités est de 2. Et le plus grand nombre est de 8. وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ لِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ. Et il y a aussi dans ce hadith le fait qu'il est recommandé d'accomplir le witr avant de dormir pour celui qui ne peut pas se lever pour la prière à la fin de la nuit. Et donc tu te connais. Tu sais si tu arrives à te lever ou pas en fin de nuit. Si tu arrives, alhamdulillah, alors c'est mieux de se réveiller en fin de la nuit pour pouvoir prier. Et si tu n'arrives pas, alors fais le witr le soir, avant de te coucher. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à Abu Huraira, radiallahu anhu, on arrête là pour ce soir, inshallah. Et demain, on continue. Donc pour finir ce sous-chapitre, وَفَقَ jami' لِمَا يُحِبُّهُ ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيراً.